Ça s'est passé comme au ciné. Il y avait le même genre de sofa. Elle avait sorti le champagne. Je lui ai dit, c'est j'aime pas ça. Il y avait aussi une boîte de langue de chat. Enfin, c'était l'horreur. Quelques instants après Noël, elle m'a dit, reviens tout près de moi, mon cœur. Mon petit costume de flanelle, bien gentiment plié, je quittais pas les yeux l'escalier. Sa chambre était en haut au premier. Ça sentait tant le parfum qu'elle était sûrement tombée dans la bouteille. Quelques instants après Noël, elle m'a dit, je vais pas tirer par l'oreille. J'avais plus les pieds qui touchaient terre. Je me noyais dans son océan. Je voyais plein de petites lumières. C'était beau, c'était chaud, c'était grand. J'avais plus les pieds qui touchaient terre. C'était plus haut qu'un cerf-volant. C'était mieux qu'un slow des Righteous Brothers. Ça aurait pu durer longtemps. Ça s'est passé comme au ciné, comme pour une audition. Elle m'a dit, faut pas me rappeler, c'est nous qui vous écrirons. Elle m'a dit trop belle et cruelle, il doit neiger dehors. Quelques instants après Noël, j'entends les douze coups qui résonnent encore. J'avais plus les pieds qui touchaient terre. Je chantais singing in the snow. Je faisais des claquettes dans les airs. C'était grand, c'était beau, c'était chaud. J'avais plus les pieds qui touchaient terre. J'étais plus haut qu'un cerf-volant. C'est mieux qu'un slow des Righteous Brothers. Ça aurait pu durer très longtemps. Oh, j'avais plus les pieds qui touchaient terre. J'étais plus haut qu'un cerf-volant. C'était mieux qu'un slow des Righteous Brothers. Ça aurait pu durer longtemps.